on va parler du centre de ski de Domiski. Ça ouvre très, très bientôt. On va parler avec celui qui s'occupe des activités du centre de ski de Domiski. Encore une fois, cette année, c'est Dave Lamontagne. Salut, Dave. Salut, Danny. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Dave, une autre année qui débute au centre de ski de Domiski. Comment ça s'enligne cette année? Ah, salut. Bon, ben c'est ça. Ça s'enligne très bien. En fait, là, on a déjà une petite accumulation de neige qui est présente au sol. C'est ce qui nous en manque. Ouais. On espère ouvrir là aux alentours, comme d'habitude, là, un petit peu avant les fêtes, aux alentours du 20 décembre, là, c'est ce qu'on vise. Okay. On a travaillé, on a des nouveautés cette année, c'est le fun. On a des beaux projets, là, comme à l'intérieur du chalet, là, on a réussi à rénover le restaurant. Là, c'est donc ça avait besoin d'amour un petit peu. Là, on l'a agrandi, on a effectué un agrandissement et un réaménagement du restaurant. Donc là c'est là, vraiment du bon sens pour les employés. On va même pouvoir mettre la billetterie aussi là, à même ce point de vente-là. Fait que ça va créer une espèce d'avantage aussi pour nous. Là. Peut-être d'avoir un petit peu moins de monde là, puis d'offrir le même service. Ça va nous amener des économies. Puis pour ce qui est des pentes, là, Desjardins nous a octroyé une subvention de 7 500 $ pour la fin de module pour le snowpark. Là. Fait que ça, je pense que les jeunes vont être bien contents de cette nouvelle-là. Okay. Est-ce que c'est vraiment là, du côté du restaurant, c'est une grosse rénovation qui a été faite? On a reculé le mur de 4 pieds, puis ça a fait qu'on a pu avoir une aire ouverte. Okay. Et puis on a mis un petit peu d'ébénisterie, là, des comptoirs, on trouve la vaisselle, un îlot. Parce qu'avant, là, avait pas de comptoir. On a changé les couvre-planchers aussi, là, tu sais, pour la MAPAC, tout ça, là, on est vraiment là. Des belles améliorations, il y a plus d'espace de travail. L'imprimante à billets de ski, là, on peut la positionner. Peut-être que le client, lui, il verra peut-être moins un petit peu la différence, mais nous autres, à l'interne, là, c'est vraiment là, c'est un gros plus là, pour ce qui est de notre efficacité. Là, puis, okay. Ça va être pas mal plus simple là, pour nos employés. Là. Il vous reste combien? Il manque combien de... Ben là, on annonce de la pluie demain, là, puis de la bonne pluie. Ouais. Donc, il y a bien des... Il risque de plus rester de neige. Par contre, mercredi, moins 20. Donc, il manque combien de neige actuellement là, pour dire qu'on peut démarrer là, de façon correcte? Ben, l'accumulation qu'on avait eue, là, on était correct pour démarrer notre fond de notre raquette. Ouais. Pour les pentes, là, moi, là, je te dirais qu'il me manque 15 à 20 cm. Là, pour quoi. Là, on a comme notre fond. Okay. Mais il faudrait qu'il s'en rajoute. Là, on a eu un petit peu de machinerie qui se sont promenées un petit peu aussi dans le bas des pentes. Là, on sait, là, avec toute la réflexion de nos lumières, là, tout le système a été changé pour du DEL. Fait qu'ils sont venus, il fallait que le sol soit gelé là, pour qu'il puisse circuler, là, sinon, là, avec on sait que là, c'est quand même assez humide là, dans le bas des pentes, là, donc c'est là, je te dirais, une vingtaine de centimètres là, okay. Pour dire là, qu'on dame cette neige-là qu'on est correct. Là. C'est ce qu'ils annoncent aussi, je pense que j'ai vu ce matin, en fin de semaine prochaine, là, mais comme tu as dit d'entrée de jeu, là, il y a de la pluie, là, c'est sûr que ça, ouais, ça c'est notre pire ennemi. Là. Combien de demandes cette année? C'est sûr que on a plusieurs activités. On n'a pas seulement les membres, là, on a de l'admission journalière. Mais c'est vrai que, somme toute, là, si on imprime 300 cartes de saison, ça serait le fun. Là, c'est ce qu'on vit. Avec des membres aussi dans le petit fond, dans la raquette. On en veut aussi un petit peu dans le fat bike. Et puis, on espère que l'achalandage aussi au niveau des glissades en tube. Puis l'achalandage au niveau des écoles qui sont au rendez-vous, là, ça c'est vraiment sur quoi on travaille, là, c'est notre principal clientèle. OK. Dis-moi, est-ce que du côté maintenant il y avait un projet de rénovation du chalet, où s'en est rendu ce dossier-là? Dans le dossier, nous ce qu'on avait fait, c'est que l'ancien gouvernement libéral avait fait certaines avancées comme de quoi on avait un fonds qui était disponible et puis sans nous le garantir 100%, là, mais on avait eu pas des promesses, là, mais on a eu des avancées là, verbales comme de quoi que ça pourrait arriver dans leur dernier mandat. Donc, je sais qu'avec la municipalité, on avait fait tous les plans, les études aussi là, pour justement là, les architectes, le champ d'épuration, le stationnement, c'est que ça avait coûté quand même à Séchamp, mais le projet était déposé, il était dans le fond, et puis finalement, là, la campagne a passé, puis on a été, pas oublié, là, mais disons qu'on était peut-être un petit peu mis de côté. Donc, c'est pour ça que cette année, là, j'ai réussi à convaincre là, la municipalité qu'il fallait investir un petit peu dans le chalet, parce que moi, ça fait 3 ans que je suis là, puis on disait, bon, ben, Dave, attends, tu vas peut-être avoir un nouveau chalet, mais pas d'argent dedans, mais là, il fallait comme investir un petit peu au minimum, là, d'où... rénovation, là, un petit peu dans le restaurant. On a peinturé aussi en bas et salle de bain, puis là-haut, là, pour au moins là, ouais, donner un second souffle. Là. OK. Dis-moi, mais y a-t-il eu des approches de fait pour relancer le projet avec Mme Nancy Guimet? Présentement, là, moi, ce que je sais, c'est que ça fonctionne par des fonds. Donc, quand le gouvernement, il faut lancer, exemple, des programmes... Okay. Au niveau des infrastructures sportives, donc ils annoncent une enveloppe. Fait que nous, le projet, il est déjà prêt. Donc, c'est facile de redéposer ça dans un autre programme, dans un autre fonds. Et puis, comment ça fonctionne, c'est que le prochain fonds là, qui va être annoncé, là, parce que moi, je parle avec les associations des stations de ski aussi, ça s'en vient. Je sais que ça va être un fonds qui va être un tiers, c'est-à-dire un tiers fédéral, un tiers provincial, un tiers par la municipalité. Donc, c'est la municipalité qu'il faut qu'il décide de déposer ce projet-là, parce qu'eux, ils vont avoir une partie à payer. Là. Fait que c'est pas nous, là, Domiski, qui dépose, c'est vraiment la ville. Mm. Puis, tu sais, c'est en somme toute un projet d'environ 3 millions. Fait que là, ça va être une décision du conseil municipal, à savoir. Puis là, ben, les autres ont les fonds de se lancer là-dedans. Là. Avec le centre Aquagym, ils ont pris le centre Aquagym aussi. Là. Donc, j'imagine qu'ils sont loin dans vos priorités. C'est loin dans vos priorités quelque part, là. Bouger du maire, là, c'est vraiment qu'il est en arrière de nous autres, puis que. Okay. On sait que le conseil de ville aussi, là, ils sont conscients, là, puis on s'en parle à toutes les années, là, fait que. Okay. J'ose croire, là, que si un fonds comme ça apparaîtrait, là, il déposerait. Okay. Je veux te parler aussi du côté des compétitions. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de compétitions cette année au centre de ski de Domiski? On tient pas de compétition dans le ski alpin. L'an dernier, on avait la compétition régionale pour les jeunes dans le ski de fond. Ça, c'est avec le club Nord Ski, là, M. Denis Pichard. Souvent, on s'alterne avec le club des sportifs d'Albanel. Là. Ouais. Souvent, ils vont faire ça une année là-bas, puis une année ici. Là, l'année passée, c'était ici. Même Pierre Lavoie, là, t'as mis ça à son tour. On avait une petite surprise, c'est le fun. Donc, est-ce qu'on va avoir cette compétition-là cette année? J'ai pas eu la confirmation. Puis on regarde aussi pour peut-être une petite compétition de vélo de montagne l'été. Là, je sais qu'on pourrait être dans le calendrier. Là, c'est à savoir est-ce qu'on va avoir des bénévoles pour ça, puis est-ce qu'on se lance là-dedans. Là? Puis, on sait que ça amène beaucoup de travail, puis pas nécessairement pour faire des revenus. Fait que là, on sait que le bénévolat de nos jours est de plus en plus difficile. Là, fait que pour le moment, là, ça ressemble à ça. Ça fait pas mal le tour pour cette semaine, Dave. Donc, les gens qui veulent se procurer des cartes de membres du centre de ski Domiski, on appelle, j'imagine, au centre, c'est ça? C'est notre pré-vente. Donc, ça a commencé en fin de semaine dernière. Et puis, ça va être vendredi chez Sport Expert de 6h le soir à 21h. Puis, samedi de 10h à 16h chez Sport Expert. Donc, si vous voulez vous acheter une carte de saison avec un rabais, c'est vraiment là, on est dedans. Sinon, exactement, une fois que la prévente va terminer, ça va être directement là, au centre pour le début de la saison. Donc, Dave Lamontagne, gros, gros merci. Joyeuses fêtes. Parfait, je te remercie beaucoup, Daniel. Le responsable du centre de ski de Domiski, Dave Lamontagne.